Machiavellian is Illuminati, all through your body. The blow's like a 12 gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Eat my flesh, flesh of my flesh. Come with me. Hail Mary, run quick, see. What do we have here now? Killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. Seeing niggas coming for me, for my diamonds when they glistening. Now pay attention, rest in peace, Father. I'm a ghost, cause killing feels. Hail Mary, catch me if I go, go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies see me flee. Activate my hate, let it break till the flame. Set trip, empty out my clip, never stop to aim. Some say the game is all corrupted, fucked in this shit. Stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. Plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world if they can just, it's just as well. Hail Mary, come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see. What you be having now? Do you wanna ride or die? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo 107FM et vous pouvez également nous écouter sur notre site internet www.radiogamozo.eu. Et aujourd'hui, petite émission tranquille avec un invité exceptionnel. Je vous présente Marouane, stagiaire cette semaine avec nous. Marouane, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Comment ça va ? Bien pour ma part, et vous ? Bah, non, s'il te plaît, tutoie-moi. Pas de soucis. Autour de la table avec nous, on ne va plus le présenter, hein, c'est Chris. Chris, ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Alors voilà, on s'est retrouvés tous les trois pour une petite émission tranquille, parce que Marouane avait envie de faire une petite intervention sur nos ondes, hein, c'est normal, tu es stagiaire à la radio, donc il faut faire un petit peu de radio quand même. Alors dis-nous tout, tu es stagiaire, donc oui, ici chez nous, ça je le sais. Mais tu es étudiant, où es-tu étudiant ? Alors je suis au lycée Jeanne d'Arc à Remiremont, ouais. Je suis en première générale cette année. Ouais. L'année dernière, j'étais en première bac pro, ça m'a pas trop plu. Ouais. Puis, je me suis redirigé vers la générale. Ok. Est-ce que ça te plaît aujourd'hui ? Bien évidemment. Alors là, la fin de l'année, c'est le bac français. J'ai passé les épreuves anticipées du bac français et histoire. Avec la nouvelle réforme, les fameuses E3C. Et exactement. Voilà. Ça s'est bien passé ? Ça peut aller. Ok. Ça peut aller. Alors, tu as plusieurs stages durant ta scolarité ? Là, j'en ai qu'un pendant l'année de première. Mais dans ma scolarité, j'ai fait plus de 7 stages environ. Ah oui, ok. Donc là, cette année, c'est ton premier stage ? En général, ouais. Ok. Et tu nous as choisi, nous ? Exactement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'aime bien la radio, j'aime bien tout ce qui est parlé avec les gens, avec les auditeurs, auditrices qui nous écoutent d'ailleurs. Ouais. Et voilà, je suis content de pouvoir parler avec des gens et m'exprimer. Ok, qu'est-ce que tu as compris un petit peu de l'univers de la radio ici chez nous ? C'est que en fait, il faut bien s'organiser, c'est-à-dire il faut, faut être carré, il faut être rigoureux, faut pas être timide surtout, bien pouvoir s'exprimer devant les gens. Et voilà le plus important, quoi. Et savoir un peu d'informatique, tout ce qui est montage, etc. C'est bien, il a bien retenu. Ouais. T'en penses quoi ? T'es bien appris ta leçon. Alors voilà, Chris, toi, t'es plus en service civique chez nous depuis quelques jours. Mais tu passes de temps en temps nous faire un petit coucou. Et puis tu nous as supervisé, Marouane, pendant quelques séances. Ça s'est bien passé ? Ouais ça a été. Non, enfin, je rigole. Ouais, c'est un bon élève, on va dire. Et oui. Merci beaucoup. Et oui. Alors, on se lance dans une premier son. T'allais dire une première bulle de son. Dans un premier son que tu nous as choisi. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Marouane ? Alors, comme premier son, j'ai choisi Jul, Bouge-moi de là. Ouais. Avec, y a trop d'artistes pour la citer. Il y en a beaucoup trop. D'accord. Pourquoi t'aimes bien ce style-là ? Parce que, je sais pas, c'est bien pour oublier les soucis, danser un peu. Ah ouais. Ça vide la tête. Exactement. Allez, c'est parti. De Gauguin, tu rappelles devant le guichet, billet violet. Pour t'allumer, ça revient à moto volée. Pour faire la guérilla, au quartier de la Vanda, elle brille comme une ogma. Son boule vient de toi. Le coffrage sous le matelas, je le claque pas chez bébé. M'en l'emporte pas dans l'au-delà. Ça, je le sais, bébé. C'est le cas, j'ai. VTN1 sous la poche synchro, grave je l'explose, dis tout dans le micro. On sait qui tient qu'un, pourquoi tu fais le 6 gros. Faut que mon rat soit libérable, ça fait longtemps il purge gros. Gros, gros, le charbon c'est cramé comme l'Ariane. Tu le sais en ce moment, est-ce que ça fait des longs V. Y'a les jurons à rap, en cavale. Tu le sais que t'es chargé, faut pas te faire obésquer. Cheveux lents, plus tard dans la boca. Quand je vais toniquer, ils vont rester bloqués. T'as fait un trou, tu connais. La rue c'est dangereux, d'un coup ça peut te stopper. Tiens crassé, bouge-moi de là. Tiens la boco, bouge-moi de là. Tiens avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Oh là je suis pété, j'ai dansé tout. L'été. Hey yo, moi je suis pas tout seul, on est 5 dans ma tête. Hey yo, je veux être tout seul et ses suceurs veulent m'embêter. Hey yo, toujours les mêmes, même si les vues ont augmenté. Hey yo, je suis à Marseille, ma mère me manque. Je prends des nouvelles et les autres en appellent moi. Tu veux mon avis? Quand je te le dis, t'es pas content. Flex, flex. T'es 4S, j'rappe. Du coup, j'pense plus au maton. Flex, flex. Pas de permis, pas de gari. Flex. Pas Warda sous le cédéry. Flex. Pas de love célibataire. Sex. Pas de mariage, pas de mairie. Flex. Plein de vide de crado. J'fais ma mort, j'mange au McDo. J'fais l'amour après studio. J'dors plus trop, j'ai. Pour le jour, ça drive la night, night, night. T'oublies ton amour, elle en a marre, marre, marre. J'ai qu'un gris pour la lime, elle pense que j'suis refait. En survêt, pour dîner, mais j'lui fais de l'effet. J'ai pas le bafa, gros, j'vais tous les baffer. T'es revenu de travers, oh, dis-moi qu'est-ce t'as fait. Dis-moi qu'est-ce t'as fait. Tiens crassé, bouge-moi de là. Tiens la boco, bouge-moi de là. Tiens avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Bouge-moi de là. On t'a dit bouge-moi de là. Dis mec, qu'est pas ça. Ils faisaient tous les vrais, mais en vrai c'est tous des hassas. Et Mikaelo, je mets la peuf dans toutes les masses. Je suis abonné, au terre-terre, je suis abonné. Reprise de volée, dans leur tête, ils sont sonnés. J'ai toujours porté mes couilles, 5 coups. Ils sont bons qu'à parler de moi, je m'en fous. Et là, je suis bleu, bleu. Demain, les clients feront la gueule. Ouais, mon chéo, c'est la zone, ça fait des love. Mon grosse kiff, ta vie est mauve. Tous paranoïa, des fils de le go. Je t'en... terminé à la Benedetto. Tu parlais beaucoup, tu critiquais ta gadi. Pourtant t'as perdu la tête que t'as quitté. Avant tu pleurais pour qu'on te fasse un crédit. Mais aujourd'hui toi ta tête il faut t'acquitter. Ça joue les durs en équipe de ces kangas. Devant la AK, chacun sa merde, chacun sa baraka. Tiens, crasse, bouge-moi de là. T'as la boco, bouge-moi de là. T'es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. On t'a dit, bouge-moi de là. Bouge-moi de là. On t'a dit, bouge-moi de là. C'est l'ovni qui brise le mic, qui fait des medailles. Sous bœufs de medailles, j'fais cracher le bébé. À fond, j'prends le dodan, couché comme Robin. Le rap, une aubaine, la vie, les problèmes. J'ai plus les moments. J'ai STDM, Audi ou BM, Azix ou TN, change pas ma dégaine. J'ai STDM, Audi ou BM, Azix ou TN, change pas ma dégaine. Quand tu me piques, tu réponds pas. Prochaine fois, je te nique ta. Semblant si je t'aime pas, j'ai tout niqué, j'en reviens pas. J'suis un gigite en ville, CBR en 1000. L'année prochaine, ça va péter. Tu veux une pub, j'ai 20 000. Tiens, crasse, bouge-moi de là. T'as la boco, bouge-moi de là. T'es avec eux, bouge-moi de là. Tu m'étonnes trop, bouge-moi de là. Et voilà pour le son que Marwan nous a choisi aujourd'hui. On fait un petit plongeon dans son univers. Voilà, faut. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, Marwan ? C'est quoi tes perspectives ? Personnellement, j'aimerais m'orienter dans tout ce qui est langue, tout ce qui est communication, c'est-à-dire, par exemple, la radio, je pourrais, par exemple, il n'y a pas de souci. Mmh. Ou, je ne sais pas, être interprète, traducteur. Voilà. Oui, c'est ce que tu me disais, ça. Voilà. Ok, et l'année prochaine, tu fais quoi ? L'année prochaine, bah, je continue mon année de générale. Je serai en terminale, du coup. Et, ouais. Et après, bah, le bac. Et je vais aller en, soit en, bah, dans les, tout ce qui est dans les langues étrangères, tout ce qui est... Voilà. Ok. Fac de lettres ? Ouais. Tu gères ? Bien sûr. Il parle plein de langues, il m'a dit. Russe, ouais, russe, arabe, français, allemand, anglais. Voilà. Quand même. Ah, vache. C'est bien, ça. Oui, tu m'étonnes. Donc toi, tu connaissais un petit peu, t'habites pas dans le coin, hein, mais t'es à l'école à Remiremont. Ouais. Ok. Et du coup, ça va faire 4 ans, 3 ans que je suis là-bas. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Et c'est quoi tes passions dans la vie ? Alors moi, mes passions, c'est le foot, déjà. Ouais. T'en fais ? J'en ai fait, mais il y a 2 ans, 3 ans. Ouais. Ensuite, ce qui me plaît le plus... Bah, la musique déjà. Ouais. Mmh. Tout ce qui est mixé, créé, etc. Ça, j'aime bien. Mmh. Cool. Et ensuite, l'UFC. L'UFC, c'est-à-dire le MMA, quoi. Ah. C'est-à-dire combat dans la cage, etc. Ça, c'est une de mes passions. Et si c'est légalisé en France, je m'inscris là-bas. Ah ouais ? Mmh. Tu m'as dit que tu aimais bien le catch aussi. Vous allez peut-être pouvoir parler avec Chris. Bah, bien sûr. Ouais, allez. Si tu veux. Alors, mon catcheur préféré, moi, personnellement, c'est Sin Cara. Qui est d'ailleurs PLA WWE. C'était Sin Cara, alors. Voilà. Maintenant, il est dans une fédération espagnole, je crois, la Triple A, sous le nom de Cinta de Oro. Exactement. Voilà. Et puis, bah, personnellement, moi, j'aime beaucoup Sin Cara aussi. Enfin, j'aimais beaucoup. Mmh. En sachant qu'à la WWE, il y a eu deux personnes incarnant Sin Cara. Le vrai Sin Cara. Et puis, Onico qui a repris le costume. Quand oui, avec le masque noir. Ouais. Ouais, mais après, même pour reprendre le Sin Cara... Avant qu'ils partent à la Triple A, c'était Onico qui était sous le costume. Donc, de toute façon, tu reconnais le vrai Sin Cara, il n'est pas tatoué. Le faux, entre guillemets, il est tatoué. Bah oui, c'est voilà. Facile à voir. Bah voilà. Et sinon, bah, vu qu'on parle des catcheurs préférés, comme je t'ai dit hier, Rey Mysterio. Rey Mysterio, bien évidemment. 619. Voilà, pour moi, c'est la légende. Une légende vivante. Il a commencé à catcher à l'âge de 14 ans, il me semble, selon El Colibri. C'est ça. Exactement. Voilà. Et maintenant, il a. 40 ans, 2 enfants et plusieurs années de carrière. Enfin, très. Ah. Voilà, bah, ouais, calcul, très... Et il fait encore du catch d'ailleurs. Oui, de moins en moins. Ouais, mais parce qu'il y a son fils qui y est. Ouais, son fils, il va prendre la relève. Exactement. Et ça, il y a son ami, enfin son cousin, Ken Velasquez aussi, il rentre dans la fédération de catch. Ouais, c'est ça. Ouais, qui était d'ailleurs à l'UFC avant, il me semble. Ken qui était en UFC, qui a fait un match contre Brock Lesnar où il a déglingué Brock Lesnar, il lui a pété l'artère. L'arcade, disons. Ouais, c'est ça. Ouais, après, Après, Cain Velasquez, est-ce qu'il a signé à la WSA, je sais pas. Bah, il pourrait. Il pourrait, mais est-ce qu'il a fait encore, je suis pas sûr. Ouais, bah oui. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est... j'aimerais ton avis aussi. Qu'est-ce que tu en penses de l'union Tyson Fury et Braun Strowman? L'union Tyson Fury et Braun Strowman? Bah, je pense que ni l'un ni l'autre n'a besoin de ça, déjà, deux. Hein. Bah, si, si. Les deux, ils sont très très forts ensemble, tu sais. Oui, mais ils sont déjà forts tout seuls. Enfin, bah, après, ils sont déjà forts comme on connaît le catch scénarisé, donc dans le scénario, dans le gimmick, ils sont forts. Les deux très forts, exactement. Oui, les deux très forts, après... Après, c'est une bonne équipe, mais bon, après, Nick Cage, non, pas Nick Cage, j'ai oublié son nom. Qui ça? Qui? Celui avec qui Brock Lesnar, c'est... pas Brock, putain. Qui? Pardon. Mais qui? Celui avec qui Braun Strowman, c'est allié, j'ai déjà oublié son nom. Tyson Fury. Voilà, il a encore des progrès à faire à niveau catch. Hein. Bah oui, mais normal, mais il fait de la boxe à la base. Il a 40 victoires, 0 défaites. Ouais, bah après, bah, c'est une bonne... Si Tyson Fury vient à signer à la WWE, pourquoi pas? Bah ça pourrait être bien pour sa retraite. C'est vrai. Après, pour... Ou même Ken Velasquez aussi, il pourrait. C'est vrai. Enfin voilà. Mais moi aussi, celui qui m'a marqué le plus dans l'histoire de la WWE, c'était l'Undertaker. Ah bah en même temps, Undertaker, c'est une grande légende. Il catch depuis... Moi, le moment... Quel est le moment qui t'a choqué le plus de lui? En même temps, tu prends son gimmick, son personnage, il est super intéressant, donc il est super sombre, tout ça. Donc il y a tellement de moments. Moi, le moment, personnellement, je suis désolé, copé, c'est quand il a perdu contre Undertaker. Undertaker qui a perdu contre... Enfin, non, Undertaker a perdu contre Brock Lesnar. Ouais, quand Brock Lesnar a mis fin à sa série de victoires. Quand il lui a fait un dernier, il lui avait fait 3 F5 de fou. Et à un moment, j'ai vu Undertaker qui se relevait plus. Et d'un coup, il a commencé à faire le tomber 1. 2, 3, j'en revenais pas. J'ai vu le match en direct, j'en revenais pas. Après, c'est un moyen de tirer sa révérence, plus ou moins. Parce qu'il a plus de 50 ans. Mais t'imagines, Brock Lesnar, il a gagné, mais il s'est fait siffler par tout le monde. Oui, parce qu'il s'en est pris à une légende. Ouais. Et puis ça, dans le monde du catch, c'est un méchant s'en prend à quelqu'un qui a adoré pour se faire encore plus suer. C'est le but du... Ouais, mais le pire, c'est que comment... Il a brisé sa série de victoires, t'imagines? Oui, bah, c'était dans le scénario. Dans son optique. C'était dans le scénario, surtout. Ah ben. Mais bon, après, il fallait bien un jour ou l'autre que quelqu'un mette fin à sa carrière, à sa victoire. Parce que, bon, sa série de victoires, ben. Il a une belle carrière, hein. Il catch depuis des années et des années. Ben, tu m'étonnes. À la base, c'était un biker, il avait une grosse moto quand il venait sur le catch. Ouais. Sur le terrain, pardon. Ouais. Enfin, voilà. Tu prends même son demi-frère, The Undertaker, il catch plus maintenant. Son demi-frère? Kane. Maintenant, il est... Ils sont vraiment frères? Bah, demi-frère, oui. Enfin, ils ne sont pas frères, ils sont demi-frères. Et lui, maintenant, il est maire du comté de Knox, il me semble, mais je suis pas sûr. Et tu connais Daniel Bryan? Bah oui. Avec Kane. Ah, il me faisait rire. Team Hell No, ouais, bah oui. Tu sais, quand il fait Yes, No, Yes, oui, No. Bah, après, c'était marrant, quoi. Ça va, t'as pas trop perdu, Lia? Non, pas de soucis. Tranquille. Voilà. Moi, j'adorais John Cena. Comment? John Cena. Ah, John Cena. Le John Cena. Ah oui. Si vraiment tu es bon en catch, comment il se faisait appeler avant de s'appeler... Comment il faisait? C'était quoi son surnom avant de se faire appeler John Cena? The Prototype? Non, il avait un autre nom. Notre surnom. Dr. Thuganomics. Thuganomics. Oui, Thuganomics, oui. Est-ce que tu te souviens de l'intro quand tu venais? Ça faisait... Bah, c'était lui qui chantait, qui rappait. Bah, c'était magnifique, il n'y avait que de scratch et tout. Oui, bah oui, c'était lui qui rappait, mais maintenant, il est acteur à 100%. Quoi. Bah, il est dans le prochain Fast and Furious, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il va jouer le frère de Vin Diesel. Wow. Non, c'est pas son frère. Si. T'es sûr? Il me semble. Ou demi-frère de... Demi-frère. De Dominic Toretto. Bon, ça sera un méchant dans le film. Bah ouais. Mais Vin Diesel, c'était pas un catcher lui aussi? Non. J'ai jamais été... Acteur. C'est The Rock qui a été catcher. The Rock, ouais. Il y en a beaucoup des catchers qui sont devenus acteurs. Il y en a beaucoup des catchers qui sont devenus acteurs. Bah ouais, regarde. The Rock, déjà. The Rock, ouais. John Cena. Randy Orton qui a fait quelques films. Ted DiBiase à l'époque. Triple H, non? Triple H, non. Triple H, il a pas... Si, il a fait des films. Ah, merci. Il a fait des films. Oui. Ouais, le grand fait, blond, ouais. Là, tu sais. Comment? C'est un grand blond. Grand blanc. Grand blond. Celui qui chante. Grand blond. Celui qui peut mettre de l'eau et y cracher dans sa bouche, là. Enfin, Oui, bah oui, ça c'était... Oui, c'est lui. Bah, mais il a fait des films. Bah, ouais, il me semble. Bah, même Rey Mysterio, il a déjà joué dans un film. Ouais. Il est bon. Même dans le film, on voyait pas son visage. Parce que bon... Vu que dans le monde du catch, Rey Mysterio, je suis mon connaisseur. Dans le monde du catch, donc Rey Mysterio, il est d'origine mexicaine, donc c'est un luchador, et les luchadors qui pratiquent la lucha libre, ils ne montrent jamais la tête. Ne doivent jamais montrer leur visage, car c'est un gros... C'est un signe de déshonneur, disons. Voilà, leur masque, en gros, c'est leur visage. Tu prends au Mexique, t'as beaucoup de prêtres qui sont masqués. Exactement. Donc là, c'est le masque, c'est sacré chez eux. Punaise, c'est exactement ça en plus. Est-ce que tu écoutes Chris dans sa Chris-soir du catch? Bah bien sûr. Sérieux? Je te jure. Ah, dis donc. Ah, d'ailleurs, elle est bientôt terminée. Tous les lundis à 8h et 13h30. Voilà. Comment ça? Bah, j'ai terminé. Bon, là, je l'ai enregistré en avance, mais début mars, la chronique sera terminée. Oh non. Mais si. Mais j'en ai une autre après. Est-ce que tu vas nous parler d'Oumaga, s'il te plaît? Non. Oh non. Non, là, je suis dans les termes du catch. Après, Oumaga, on peut en dire quelques mots. Hein. Vas-y. Oumaga, Eddie Fatou, catcheur malheureusement décédé aujourd'hui. Qui, Samoa aussi. Samoa, qui était, il avait le rôle d'un heel. Un heel étant un méchant dans le monde du catch. Et puis, bah, voilà, il était violent. Bah non, pas sûr. Si, il était moche. Bah oui. Ah si, si. Mais comment, mais attends, mais il est mort de quoi lui? Je crois que, je sais, ça fait un petit, ça fait quelques années, c'est sa femme qui l'a retrouvé. Chez lui, il devait avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Attends, il avait même pas 40 ans. Ouais, bah oui. Avec son Samoan Spike. Oh ouais, ça, il était chaud. Samoan Spike. Oh, trop chaud, ça. Le Samoan Spike, c'était un coup, le pouce dans la gorge. Mmh. Ah oui, ça, il le faisait, ça. Oui, c'est le Samoan Spike. Comme dans Un Indien dans la ville. Pardon. Fais dodo. Merci. Si tu connais la référence. La fais dodo. Ah, oui. Bah voilà, c'était un bon catcheur. Bon, je l'aimais pas trop, mais... Mais en fait, t'as quel âge, toi? Mais pourquoi? On dirait que tu connais plein de trucs de ma génération, bah alors oui. Que pas du tout, t'es plus de la génération de Chris. Bah je connais Jacques Brel, si tu veux, je connais Vesoul, je connais Lavas Hamilton. Eh ouais, très bien. Vache. Bah non, mais t'inquiète, après l'histoire du cadre, j'ai une autre chronique déjà de prévue. Ah ouais, c'est quoi? Sur la magie. Pourquoi t'es un magicien? Je connais quelques tours, hein. Ça, c'est bien, ça. Voilà, je peux te faire téléporter des sucres? J'attends. Non, mais, faut me préparer. Enfin, je peux faire le fameux tour, tu sais, du magicien qui fait disparaître la carte et qui la fait apparaître. Je sais faire du mentalisme également. Non, ça s'appelle un pickpocket, monsieur, c'est pas pareil. Le mentalisme également, j'ai déjà mentalisé l'IA, elle a été surprise, elle a fait, mais comment t'as fait pour faire ça? C'est un peu facile, quoi. Bah, c'est du mentalisme. C'est tout un secret, mais c'est... Ça te plairait pas, toi, Marwan, de faire une chronique ici? Tu me parles sérieusement? Oui. Bah oui. Carrément, mais après de quoi? Bah, ah bah voir. Faut que tu trouves ton sujet. Bah pourquoi pas? Le sujet que t'as envie. Oh, le foot. Alors là... Allez. Alors là... Après, il faudra que tu viennes... ou alors que tu enregistres chez toi, ou que tu viennes ici bien sûr. Toutes les semaines. Alors, je peux te sortir... je vais te sortir un truc, moi, tu vas voir. Eh bah, Diego, Diego Armando Maradona. Si. El patron. Si. Ouais. Argentina. Comment? Argentina. Argentina. Si. Il a joué chez les Carlos Pérez Junior de 1956 jusqu'à 1976. Jusqu'à la fin. En gros, il est resté plus de 20 ans là-bas. Mm-hmm. Ensuite, il est parti en États-Unis, dans le groupe des Los Angeles FC, si je ne dis pas de bêtises. Et il est revenu à Carlos Pérez Junior. Et il y a carrément une statue qui a été faite en son honneur. Eh ben, il en sait des choses quand même. Hein. Ah bah. Et un petit jingle, allez, un petit créneau, ouais. Et c'est parti, t'es embauché. C'est parti. Exactement. Ouais. Vas-y, on fait ça. C'est cool. Vas-y. Allez. Allez, c'est parti, je suis chaud. On te signe le contrat juste après. Ah oui, bien sûr. Si vous avez envie de retrouver Marwan, eh bien, restez connectés. Hein, on vous donnera toutes les infos sur son arrivée sur nos ondes avec grand plaisir. Oui. Est-ce que ça t'a plu de faire un tour chez nous, du coup? Ouais, ça me fait mal au cœur de partir, mais voilà. Oh. Tu reviendras? Bah, je viendrai vous voir. Bah oui. Et pour enregistrer tes chroniques et pour nous faire un petit coucou, comme... Oui, bah, après, je sais ce que c'est, hein. je sais ce que c'est de quitter la radio. Mais... Moi aussi. Oui, toi aussi. Ouais. Mais tu reviendras avec ta petite chronique sur le foot, là. Ah ouais, t'inquiète. Pa. Je vais te sortir le PSG et tout, t'inquiète. Allez, vas-y, on fait ça. Faut parler de toutes les équipes aussi, hein. Faut pas. Ok, bon. PSG. Par contre, attends, cher auditeur, auditrice. Si auditrice appel... en premier, s'il te plaît. Oui, cher auditrice, cher auditeur. Cher auditrice, auditeur, voilà. Femme d'abord. Excusez-moi. S'il y a quelqu'un qui appelle pour parler de Marseille, je ne répondrai pas. Oh, voilà. Pas de discrimination, faut être objectif dans une chronique. Il faut que tu parles de tout. Voilà. Okay. Mais moi, il y a des choses. Sans donner ton opinion. Pour vous, mesdames marseillaises, je peux faire un effort. On dirait moi. Ah bah oui, je vous ai bien trouvés tous les deux. Donc ouais, bah non, mais vas-y, allez, tu viens. Mais après, faut que tu parles de tout, tu sais. Même bah, si bien sûr, pas, mais voilà. Oui, mais je vais me renseigner, t'inquiète. L'OM, l'OL, le PSG. Les actus, l'origine. Le Dortmund. Ouais, ne renfonce pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Oui, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont perdu 2-1. Ah. Face à cause de Adalen, un joueur Dortmund, de Dortmund. D'accord. Qui a 19 ans et qui a mis un doublé contre nous, malheureusement. Ah. Est-ce que tu as vu qu'Épinal était quand même en quart de finale ? J'ai vu le match. Ouais. C'est génial. Ils ont perdu 2-1. Bah ouais, ils sont bien battus quand même. Ah, ils méritaient pas de gagner Saint-Etienne, vraiment. Ouais. Ils étaient vraiment pas bons Saint-Etienne. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est déjà, je trouve, de gagner contre Lille, déjà de sortir Lille, c'est un miracle déjà. Ouais. Parce que virer Lille, punaise. C'est comme si Saint-Etienne et Miremont virait, qu'est-ce que je peux dire, Marseille par exemple. Ouais. C'est ça, c'est un exploit. Mais tu sais que le SAS Épinal avait déjà joué contre Marseille. Oui, ils avaient perdu 2-0. Ouais. Je sais, ils étaient venus à domicile. J'étais sur place le jour-là. Ah bon ? Ouais. On aurait pu se voir. Voilà. Et ouais. J'ai un pro marseillais à la maison. Moi. Comment ? J'ai un pro marseillais à la maison. Ok. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ? Bah oui. Allez, vas-y. Bah, Lia et Chris, je vous aime. Oh, oh, c'est mignon. Nous aussi. Oui. Oui, même si je t'embête, même si je t'engueule. Bah oui, t'inquiète pour plaisanter, pas. C'est voilà, c'est. Mais oui, non, mais non, vraiment. Bah nous, on a été contents de t'avoir avec nous pendant cette semaine. Et puis voilà, c'était une belle rencontre. Et puis avec plaisir quand tu veux sur nos ondes. Je reviendrai. Voilà. Pour ta chronique sur le foot. T'inquiète. Rien à rajouter ? Rien du tout. Ok, super. Et bien à très très bientôt. Et puis on vous embrasse tous, hein, bien entendu. Bisous. Time for Liberty, El Mary. Hail Mary, nigga, run quick, see. What do we have here now? Do you wanna ride or die? La la la la la la la la. Westside, Outlaws, Machiavelli the Don, Solo.